Chapitre 103. Ce que dit l'invité à son hôte s'il est accompagné d'autres personnes non invitées. 739. Selon Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, un homme invita le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à un repas prévu au total pour 5 personnes. Mais un autre homme les suivit. Arrivé devant la porte, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda à l'hôte, « Cet homme nous a accompagnés. Soit tu lui permets de rester, soit il repart. » L'hôte dit, « Au contraire, il peut rester, ô messager d'Allah. » Al-Bukhari et Muslim.